what a little moonlight can do. Ooh, what a little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a flutter and all day long. What a little moonlight can do. De l'effet d'un petit clair de lune. 30 mars 2018. Après quelques reports dus à une vie très mouvementée, Nicole a téléphoné. Une fois de plus, Faustine s'était fait tout un monde pour pas grand-chose. Nicole, en quelques phrases, l'a totalement rassurée. Elle avait bien senti la jeune Anglaise s'exiler que la maman de Faustine ne l'aimait pas. Enfin, sans aller jusque-là, c'est surtout son influence sur Faustine qu'elle appréhendait. Des fois qu'elle lui mettrait des idées de révolte dans la tête. Désormais, les choses sont à plat. Elles se sont racontées, pendant 1h30 au téléphone, leurs aventures de ces 40 dernières années. Faut ce qu'il faut. Leurs maris, leurs enfants ou manque d'enfants et leur parcours, en gros. Après une carrière d'avocate, Nicole s'est investie dans l'humanitaire. Entre autres, elle chante dans des camps de réfugiés et plante des arbres avec les enfants. Sa manière de repeupler la terre. L'amusant, c'est que Faustine, de son côté, a évolué à son niveau dans le même état d'esprit d'humanisme et de partage. Les deux femmes se reverront très prochainement. Rendez-vous est pris. Retour en novembre 1976. Faustine rentre du supermarché et remplit son frigo avec ses trouvailles. Une salade verte, une imposante noix de veau, des patates, quelques pommes, de la crème fraîche et une pâte feuilletée toute prête. N'oublions pas la bouteille de Listel gris. Elle a posé un miroir contre le mur, face à sa chaise, afin de s'asseoir en bonne compagnie. Une jolie bougie complète le tout. Dans la gazinière, la bonbonne a été remplacée la semaine dernière, évitant la catastrophe de justesse. Cette fois, la cuisson pourra se faire jusqu'au bout. De plus, si elle fait bien attention, Faustine aura de la viande pour plusieurs repas. Elle a intérêt à garder quelques sous-millions pour payer son garagiste ou l'essence. Faustine repense aux derniers jours à l'atelier. Un matin, elle a trouvé maman en grande conversation avec une dame venue présenter sa fille handicapée. Elle tentait de convaincre madame la PDG que la loi imposait des quotas aux entrepreneurs, les obligeant à engager des personnes défavorisées. Maman n'est pas dupe, elle sait bien qu'en tant que simple artisan, elle n'entre pas dans cette catégorie. Cependant, elle se laisse attendrir et accepte de prendre la jeune fille à l'essai, histoire de faire sa BA de l'année. Faustine est chargée d'apprendre à la nouvelle recrue à coudre certains décors sur les couvercles, ainsi qu'à plier les bandes avant la couture. Toute occupation qui ne risque pas de la mettre en danger, comme un fer à repasser ou des ciseaux de coupe. Marie n'est pas gravement atteinte, il lui manque juste un peu de lumière à certains étages. Scientifiquement parlant, le cordon ombilical s'étant enroulé autour de son cou, son cerveau a manqué d'oxygène. La petite nouvelle n'en est pas moins adorable et toujours souriante. Par contre, pour lui apprendre à coudre, c'est une autre paire de manches. Or, on approche dangereusement des délais de livraison, et il s'agit de se sortir les pouces de « où je pense ». Marie traîne sans comprendre ce qu'on lui veut. Faustine, ni pédagogue ni empathique, perd patience, se retient de le manifester et, pour finir, n'en pouvant mais, empoigne la main de la jeune fille et la dirige elle-même pour piquer là où il faut. Eureka, fiat lux, alléluia! Marie a enfin compris et saura désormais répéter le geste à l'infini. Faustine, de son côté, a pigé comment montrer. Le 15 novembre, Faustine passe exceptionnellement la soirée chez papa-maman. Ce matin, Jean Gabin est mort. La télévision lui rend un dernier hommage. Elle a programmé le Quai des Brumes. « T'as de beaux yeux, tu sais », redit une dernière fois le beau rebelle à la France entière, en larmes devant son petit écran. Faustine, comme les autres, se laisse séduire. Mais quel est donc ce goût étrange des femmes pour les mauvais garçons? Autre soirée phare du mois de novembre, l'invitation Miss Lee. On se souvient que Florence Miss Lee est une employée de la Muller et compagnie, excellente ouvrière à domicile. Elle est très reconnaissante envers maman de lui avoir procuré cet emploi. Et pour la remercier, elle invite chaque année sa patronne autour des fêtes. Laurence Misley est le genre de personne que son époux n'a jamais vue sans maquillage. Pour cela, elle se lève avant lui, à 5h du matin, tous les jours que Dieu fait. Et vas-y que je me tartine la figure, que je me barbouille les yeux. Maman trouve ça incroyable. Autant d'efforts pour un mari? Quelle idée saugrenue! Toujours est-il que la chère Florence se donne beaucoup, beaucoup de peine pour recevoir la famille de Faustine au grand complet et l'honorer d'un festin gargantuesque. Sa spécialité? L'écaille sur canapé. Heureusement que maman a prévenu Faustine, qui n'était pas là l'an passé et pour cause, afin qu'elle ne montre pas trop sa surprise. Son horreur? Au moment crucial, en effet, Florence entre dans la pièce avec son chef-d'œuvre qu'elle pose au milieu de la table. On peut alors admirer, plaindre, les pauvres oiseaux fichés dans des toasts à l'aide de longues aiguilles. L'effet est saisissant. Devant les volatiles crucifiés auxquels ne manque même pas la tête, papa, maman et Faustine s'extasient hypocritement en chœur, félicitant la cuisinière pour cette masterpiece. Comme hypnotisés, les trois invités gardent les yeux sur le plat, de crainte d'exploser en un fou rire inextinguible. Longtemps cette vision apocalyptique entra Faustine. Il lui faudra plusieurs décennies avant d'oser proposer des cailles à ses invités. Les 10 premiers jours de décembre passent à une allure folle. Les commandes sont presque toutes terminées, les vacances approchent, les parents se concoctent un joli petit séjour dans les Grisons en compagnie de Stéphane, Tata Maria et Tonton Valti. Faustine restera à Grasse pour garder la boutique, s'occuper des chats, comme l'été dernier. Mais avant cela, elle est invitée samedi soir par Steph et son meilleur pote Jean-Pierre à une jam session au Pied Bleu, le célèbre club de jazz du Haut-de-Cagne. Faustine se réjouit énormément d'y aller. Il y a longtemps qu'elle n'était pas sortie. De plus, elle n'a pas oublié les après-midi de son adolescence à Juan-les-Pins. Le soir venu, elle prend sa voiture, tandis que Stéphane monte dans celle de Jean-Pierre et Solange. Il n'y a que 24 km jusqu'à Cannes. Une bonne quarantaine de minutes si on passe par Magagnosque et la route de Grasse. Arrivé à Cannes, il se gare en bas de la montée du château, puis continue à pied par les ruelles sinueuses. Quelques marches, l'entrée d'une cave, une première salle, meublée de tabourets bas et de bancs, tout autour de la pièce. En guise de bar, un grand comptoir multicolore, fabriqué avec des culs de bouteilles d'eau de Sels. Sur celui-ci, un énorme bol à punch empli de sangria. Les trois amis sont accueillis à bras ouverts par les musiciens qui les entraînent dans leurs repères. Contre les murs, face à l'orchestre, on s'installe sur des bancs recouverts de coussins. Sur la minuscule estrade prennent place le batteur, le pianiste, le contrebassiste. Les autres musiciens, clarinettistes, guitaristes et saxo, prennent place, eux, face au public. Faustine, Stéphane, Jean-Pierre et sa femme s'asseyent sur les côtés. Les deux jeunes gens espèrent que le chef qu'ils connaissent un peu leur permettra de faire un bœuf, ce qui veut dire jouer un ou deux morceaux pendant la soirée. Stéphane glisse à Faustine que le groupe qui gère le Pied Bleu s'appelle les Bootleggers. C'est un clin d'œil aux contrebandiers opérant pendant la Prohibition, entre 1917 et 1935, quand le jazz a connu ses plus belles heures aux USA. Faustine apprécie d'un sourire et attend la suite. Les clients ont bien rempli les places assises quand enfin la musique explose sous les voûtes. Quel pied ! C'est le cas de le dire. Chaque note percute Faustine, la prend aux tripes, lui donne cette irrépressible envie de battre la mesure. Elle ne connaît aucun des morceaux que malheureusement les musicaux s'enchaînent sans les annoncer. Est-elle supposée connaître d'emblée tout leur répertoire? Peut-être est-ce mieux de ne pas savoir. Jamais elle n'a éprouvé une telle communion. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut, comme le chantait Piaf dans La fille de joie est triste. Faustine est aux anges. Elle a trouvé sa musique, celle qui va la faire planer sans la lasser pendant des années. Quand elle ne ferme pas les yeux pour mieux se concentrer, elle observe les interprètes sur l'estrade, admire leur swing, leur talent, leur virtuosité, qui n'ont rien à voir avec les souvenirs qu'elle avait gardés du festival de jazz de Jean Lépin. Écouter Claude Luther au milieu d'une foule de vacanciers qui froissent leurs cornets de frites, ce n'est pas pareil que d'assister à un vrai concert. La jeune femme est subjuguée. Une heure plus tard, quand tout s'arrête, pour la pause, Faustine tombe brutalement de son petit nuage. Les trois autres se régalent de sangria maison alors qu'elle en est encore arrivée aux années folles, aux gangs d'extraction avant, aux incorruptibles. Ah, Robert Stack, trop bête. Toute une époque que papa lui a décrite comme étant la plus fascinante de ce siècle. Quand elle rejoint enfin la petite bande, elle accepte un verre au passage, puis s'assied sur un pouf derrière le chef, en grande conversation avec Stéphane et Jean-Pierre. 10 minutes plus tard, Faustine commence à en avoir marre d'admirer son dos, quand soudain, l'homme se retourne. Et là, elle encaisse le choc de son regard, à la fois étonné, admiratif et interrogateur. Le temps s'arrête tandis qu'il la fixe sans ciller. Et quand enfin il se détourne, Faustine comprend que, à partir de dorénavant, rien ne sera plus jamais comme avant.